Vous écoutez Future Sims sur CKRL 89.1. Il y a un mois, Karine Gravel est venue nous parler d'une publication qu'elle avait faite dans le cadre de son doctorat et dont la conclusion était « Fini le discours faisant allusion aux bons et aux mauvais aliments. » Bon et mauvais entre guillemets. Là, et adoptons l'approche globale « Plaisir et santé dans l'alimentation ». Pour élaborer sur cette nouvelle approche, je reçois un nouveau chroniqueur à Futur Simple, Benjamin Alès. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors bienvenue à Futur Simple. Merci. Donc c'est ça, je vais aborder en fait cette approche-là. Donc tout le monde sait aujourd'hui qu'une alimentation qu'on dit « santé » entre guillemets nous permettrait d'éviter beaucoup de complications médicales. Ça peut aller du maintien d'un poids optimal jusqu'au vieillissement en pleine forme, en passant par la diminution du risque de cancer. Puis on pourrait en citer d'autres. Donc on est alors bombardé de messages de nutrition et ils s'avèrent parfois tellement simplifiés qu'ils en deviennent faux. Donc c'est le cas de ce concept des bons et des mauvais aliments. Ok. Donc ce concept est aujourd'hui reconnu comme peu efficace dans le choix d'une alimentation qui soit en accord avec notre bien-être, comme ça a déjà été souligné par Karine. Puis les travaux en fait de recherche scientifique arrivent même à prouver que cette approche, elle est en fait assez inefficace et elle amène même des contradictions sur le lien entre certains aliments et la santé. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, en fait, les spécialistes de la nutrition s'intéressent à des approches plus globales de l'alimentation qui vont allier en fait un équilibre entre la santé, le plaisir bien sûr, et aussi ben, l'activité physique et surtout quelque chose d'adapté à chacun. Et pourtant, en fait, ce que les gens veulent savoir, c'est quels sont les bons aliments qui vont leur permettre d'éviter le cancer ou de prendre du poids, par exemple. Ben oui, c'est vrai. Les gens ont besoin de se rassurer. Ils aimeraient avoir un contrôle parfait de leur alimentation. Ils voudraient presque des aliments magiques pour les aider. Seulement, ben, au fond de nous, on sait tous qu'au quotidien, c'est très difficile de maintenir un tel contrôle. Et par exemple, on a une étude de l'Académie américaine de nutrition et de diététique en 2011 qui était sur un échantillon de 750 personnes représentatives de la population des États-Unis qui a estimé que 82% des adultes interrogés avouent que la raison qui les empêche de manger plus santé, c'est qu'ils n'aimeraient pas arrêter de manger certains des aliments qu'ils apprécient particulièrement. On peut comprendre. Mais alors d'où vient cette image qu'on a des bons ou des mauvais aliments ? Donc ce concept des bons et des mauvais aliments vient en partie des résultats d'études scientifiques qui depuis plusieurs dizaines d'années en fait utilisent des approches par un seul aliment ou un seul nutriment. Donc ces études sont nécessaires pour identifier le potentiel d'un aliment ou d'un nutriment sur un état de santé, mais cette approche est souvent reconnue comme partielle et en fait il y a pas mal de limites. Ouais, c'est un peu simpliste effectivement de dire bon pas bon en fait bien pas bon, en fait. Bien mal, en fait. C'est facile à gérer, mais effectivement, c'est un peu limitatif, comme tu dis. Alors, peux-tu alors nous parler de la façon dont ces études façonnent encore le concept de bons et mauvais aliments? Donc oui, alors on peut par exemple prendre le cas de l'étude des études qui avaient observé que la consommation des graisses qu'on dit saturées de l'alimentation, qui sont d'ailleurs appelées souvent le mauvais gras, était reliée au risque de maladies cardiovasculaires ou maladies coronariennes. Donc en fait, ça a conduit à dire que la viande rouge et le beurre étaient par exemple des aliments mauvais pour ce risque de maladies cardiovasculaires, car ils contiennent beaucoup de ces graisses saturées. Donc on a émis des recommandations alimentaires dans ce sens-là, de limiter la consommation de ces produits contre le risque de maladies cardiovasculaires. Mais en 2010, les chercheurs ont décidé de prendre du recul sur ces résultats et en fait, ils ont pour cela pris les résultats de toutes les meilleures études dans le monde entier qui avaient été réalisées sur le lien entre consommation de graisses saturées et maladies cardiovasculaires, et ils ont réalisé de nouvelles analyses. Et qu'est-ce qui en est sorti de ces nouvelles analyses? Les nouveaux résultats ne démontraient plus que c'était la consommation seule de graisses saturées qui était associée à un risque élevé de maladies cardiovasculaires ou coronariennes. Et ça, c'est seulement un exemple de contradiction scientifique de cette approche-là. On pourrait en citer d'autres. C'est vrai que ça semble compliqué tout le temps de penser à son alimentation en termes de bons et mauvais aliments. Est-ce que ça a un impact sur le bien-être et même la santé, c'est tout ça? Oui, en effet. Alors, ce phénomène est d'ailleurs très étudié par les sociologues et les psychologues de l'alimentation. En termes de sociologie alimentaire, on appelle ce concept la dichotomie alimentaire. Donc c'est le fait de diviser en deux les aliments. On met d'un côté les bons, de l'autre les mauvais. Ah, bon, pas bon, c'est ça. C'est ça. Donc ce mode de pensée pourrait être particulièrement troublant, notamment chez les personnes obèses qui essaient de perdre du poids ou maintenir leur poids. Donc au Royaume-Uni, il y a des chercheurs qui ont étudié les facteurs de risque de regain de poids après un programme de prise en charge de l'obésité. Donc c'était un programme qui était censé permettre un maintien ou une perte de poids chez des personnes qui avaient un suivi médical très sérieux. Donc ils ont pris un échantillon de femmes anglaises obèses autour de la quarantaine, et en fait ils ont découvert que le fait d'avoir cette pensée de bons et mauvais aliments, c'était le seul facteur psychologique qui prédisait un regain de poids un an après la fin du programme. Qu'est-ce qui est envisagé alors comme approche pour éviter d'embarquer les gens dans cette pensée de bons et mauvais aliments? Donc en fait, c'est ça, c'est des nouvelles recommandations qui sont progressivement en train de vraiment s'implémenter vers des approches plus globales de l'alimentation. Donc les spécialistes de la nutrition encouragent à penser l'alimentation comme en fait un équilibre basé aussi bien sur notre ressenti, mais aussi l'environnement, notre niveau d'activité physique quotidien par exemple. Donc dans l'idéal, on aimerait inciter les personnes à être capables d'identifier les aliments qui leur font plaisir et à les intégrer de façon modérée dans leur quotidien. C'est ça, c'est avoir une approche globale finalement, qui tient compte de tout. Là. Mm-hmm. Est-ce que cette approche signifie qu'on pourrait manger tout ce qu'on veut sans faire attention à la qualité nutritionnelle des aliments, puisque rien n'est mauvais pour la santé? Alors justement, c'est pas le message qui peut être véhiculé par les scientifiques et les professionnels de la nutrition. Et en fait, on sait au contraire que certains aliments doivent quand même être limités, mais c'est pas pour autant qu'ils doivent générer un sentiment de culpabilité quand on va les manger. On peut parfaitement intégrer des aliments, même si ils sont pas parfaits sur le point de vue de la qualité nutritionnelle stricte. On peut les intégrer tant qu'ils nous procurent du plaisir et qu'ils restent consommés à des occasions spéciales. Par exemple, un souper entre amis ou d'autres petits moments de plaisir de convivialité. Oui, c'est vrai. Et cette approche globale de l'alimentation est-elle associée à une meilleure santé? Il semble en effet que, selon un nombre croissant d'études scientifiques, cette approche apporte des résultats plus solides, si j'ose dire, sur le lien entre l'alimentation et la santé. Et d'ailleurs, on retrouve de plus en plus d'études scientifiques qui, au lieu d'utiliser l'approche par un seul nutriment ou un aliment, elles essayent de s'intéresser à l'alimentation de façon générale. Et en fait, on appelle même cette approche, elle a un nom, c'est l'approche par profil alimentaire. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, quels sont ces profils, entre guillemets, qui pourraient être en lien avec un meilleur état de santé? Alors, je pourrais vous citer par exemple un type d'alimentation mythique, entre guillemets, c'est l'alimentation méditerranéenne. Mm-hmm. Donc, c'est une alimentation, pour expliquer un petit peu, qui consiste en un équilibre entre des consommations plus importantes de fruits et de légumes, de poissons, tout le type de noix, l'huile d'olive aussi comme huile de cuisson ou d'assaisonnement, et en même temps moins de viande, moins de produits laitiers, et une consommation régulière mais modérée de vin. Donc en fait, je dois préciser qu'on peut avoir l'alimentation méditerranéenne, même si on ne vit pas dans le bassin méditerranéen, par exemple. Ici au Québec, on sait qu'on retrouve tous les produits que j'ai cités à l'épicerie, donc on peut adopter ce mode d'alimentation. Puis en fait, pour parler du lien entre cette alimentation et la santé, il y a des chercheurs en 2011 qui ont regroupé tous les résultats des meilleures études scientifiques, c'est-à-dire les plus pertinentes, qui portaient en fait sur ce type d'alimentation méditerranéen et diverses conditions de santé. Et en fait, ils ont confirmé que le fait d'avoir une alimentation proche de ces habitudes méditerranéennes diminuerait la mortalité toutes causes confondues, mais aussi diminuer le risque de maladies cardiovasculaires ou cérébrovasculaires, le risque de cancer et aussi le risque de maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. Et cette alimentation ne convient peut-être pas à tout le monde, mais est-ce qu'on a d'autres types d'alimentation associés à une meilleure santé rapidement? En fait, des chercheurs ont également étudié que le fait d'adhérer aux recommandations nord-américaines de façon globale était associé à une meilleure santé. Donc, par exemple, il existe des tests dans la recherche en nutrition qui permettent, un peu comme des tests de personnalité, d'indiquer si on a une alimentation proche des recommandations alimentaires nord-américaines. Et les chercheurs ont montré dans cette étude, dans une étude, que en fait les personnes qui avaient vraiment une alimentation proche des recommandations de façon globale avaient un risque de maladie cardiovasculaire qui était diminué de 40%. C'est quand même pas mal. Mmh. Alors si je résume, alors les spécialistes de nutrition voudraient maintenant insister sur le fait qu'il n'existe pas d'aliments miracles ou au contraire d'aliments mauvais dans leurs recommandations. Ben oui, tout à fait. C'est vraiment le message que les communautés scientifiques et de santé publique en nutrition veulent aujourd'hui faire passer. Donc, dans un monde idéal, on aimerait que l'alimentation soit un équilibre global, adapté à chaque mangeur qui ne se préoccuperait plus d'un aliment en particulier. Et donc, aujourd'hui, on espère que les mangeurs pourront s'épanouir dans le plaisir d'une nourriture variée et savoureuse et cesser de ne voir que du noir ou du blanc dans leur assiette. Ouais, effectivement, je pense que c'est une très bonne recommandation. Merci beaucoup, Benjamin Alice, pour ces recommandations et à bientôt. Alors, on passe au mot de la fin.